T'aimes ça me faire souffrir, mais moi je suis pas ton cobaye, ton animal. On dirait que t'aimes ça me faire souffrir, je suis pas ton cobaye, ton animal.